Eh bien, les vacances, elles touchent à leur terme. Bonjour à toutes et à tous, Serge au micro. J'ai partagé avec vous les 60 prochaines minutes sur les ondes de Fadjet 94.2. Une 9e émission de Coup de cœur en été. Cette période estivale est passée à une vitesse grand V en votre compagnie. Ainsi d'ailleurs que les 4 saisons de notre émission Coup de cœur. Il s'agit aujourd'hui du numéro 178 qui sera le dernier avant un break. Mais vous allez retrouver dans les prochaines semaines vos autres émissions préférées bien sûr. Allez, on commence avec... quelqu'un qui s'appelle Moshe Brandt, vous le connaissez mieux sous le nom de Mike Brandt, bien sûr, né en février 1947 à Chypre. Le futur crooner est le fils d'un couple de rescapés d'Auschwitz qui tentaient de rejoindre la Palestine, mais qui ont été refoulés dans un camp de l'île de Chypre. Ils sont parvenus à gagner cette fameuse Palestine et s'installent dans un kibboutz où ils vivent des revenus de l'agriculture. Le jeune Moshe participe à de nombreuses chorales et se fait remarquer pour ses concerts lors de fêtes locales. Il prend alors le pseudonyme de Mike Brandt et chante des standards américains et israéliens. En 1969, Carlos et Sylvie Vartan découvrent le jeune talent. On le retrouve tout de suite, c'est comme ça que je t'aime. FM ou sur Fadjet.net, où que vous soyez, Fadjet vous accompagne tout l'été. Alors My Brand, c'était notre coup de cœur du 28 mai 2020. La suite, c'est pas un coup de cœur. Si, finalement, c'est un coup de cœur. Il s'appelle Wissem Belkacem. On ne lui a jamais consacré d'émission. Il n'a pas un répertoire musical, bien sûr. Mais il a grandi dans une cité au soleil, notamment Aix-en-Provence. Espoir de la génération dorée du centre de formation du Toulouse Football Club. Il a gravi tous les échelons jusqu'à disputer la Coupe d'Afrique des Nations sous les couleurs de la Tunisie. Mais son homosexualité, contraire à sa religion, et à son sport, le privera de la carrière professionnelle à laquelle il était destiné. Dans un récit aussi intime que puissant, Wissem Belkacem est le premier joueur à raconter de l'intérieur l'homophobie qui gangrène le football et il s'attaque à l'un des derniers tabous de notre société. Pour son courage, parce qu'il a consacré le restant de sa vie, ben, il est jeune encore, hein, il parle très bien, il y a eu 4 émissions sur Canal+ qui lui ont été consacrées. Pour son courage, je voudrais bien qu'on l'écoute aujourd'hui, il a enregistré un message, « Je suis en paix », je vous propose de le découvrir ensemble. Regarde-moi debout, c'en est fini des coups, plus jamais à genoux, je suis droit devant vous. Quand je tourne autour de lui, je trouve ma lumière, je tourne autour de vous, j'évite l'enfer, je me retourne un peu, je regarde en arrière, alors je dis adieu à tout ce que je perds. Sans péché, vous n'êtes pas ma loi, j'ai pas fini d'aimer. Quand je tourne autour de lui, je trouve ma lumière, je tourne autour de vous, j'évite l'enfer, je me retourne un peu, je regarde en arrière, alors je dis adieu à tout ce que je perds. J'ai trouvé dans mon cœur une flamme sans rancœur que personne. Je suis en paix. Vous écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Le 14 janvier 1986, Daniel Balavoine trouvait la mort dans le crash d'un hélicoptère de l'organisation du Paris-Dakar, qui l'emmenait de Gao à Gourmararou au Mali. 5 personnes ont trouvé la mort dans l'accident, notamment bien sûr Daniel Balavoine, mais aussi le pilote François-Xavier Bagnou, la journaliste Nathalie Audan, le technicien radio Jean-Paul Le Fur et l'organisateur du rallye raid Thierry Sabine, bien sûr. C'était notre coup de cœur des 20 et 27 janvier 2022. Daniel Balavoine, on le retrouve dans Mon fils, ma bataille. Sur un banc, par l'ombre d'un corps. rafraîchissant de musique et de passion sur Fadjet pour votre été. Notre coup de cœur du 22 octobre 2020, c'est quelqu'un de très discret. Et justement, on va revenir sur sa vie privée, Jean-Jacques Goldman. Il s'est marié le 7 juillet 75 avec Catherine Morlet, avec qui il a eu 3 enfants. Caroline en 75, Michael en 79 et Nina en 1985. Alors Caroline est devenue psychologue pour enfants, comme sa maman. Michael Goldman est depuis 2007 cofondateur et président du label My Major Company, qui aide à lancer de nouveaux artistes, et Nina, quant à elle, est pédiatre. Divorcé en 1997, il se remarie en octobre 2001 avec une fan, Nathalie Thuyong-Lagier, née en 1979, elle est franco-vietnamienne, et à l'époque, elle est étudiante en mathématiques. Elle obtiendra l'agrégation de mathématiques en 2003, puis un doctorat de mathématiques pures en juin 2007. Ils ont 3 filles, Maya 2004, Kimi 2005 et Rose en 2007. Nathalie étant d'origine de Marseille, il s'installe avec elle dans un appartement à Plan de Cuq à partir de 2011 dans une villa de Roucablan, un quartier chic de la cité phocéenne. En octobre 2016, ils partent dans une maison d'une banlieue résidentielle de Londres, mais ils sont de retour à Marseille, toute la petite famille, depuis début 2021. On retrouve Jean-Jacques Goldman, c'est sûr qu'il a changé nos vies, il changeait la vie. Il changeait la vie. Nos coups de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Né le 15 juin 46 à Alexandrie, Artemios Venturis Rouzos avait pris le chant au sein du chœur de l'église orthodoxe grecque d'Alexandrie. Il apprend aussi la guitare, la basse et la trompette. En 1961, sa famille décide de retourner vivre en Grèce et s'installe à Athènes. C'est là que Demis Roussos, qui a pris ce nom d'artiste plus proche des consonances anglo-saxonnes, fait ses débuts dans des groupes de reprises dont l'un s'appelle V.A. Idols, d'ailleurs il était guitariste et bassiste, puis il se met au chant, voix aiguë, caressante. Il rencontre le claviériste Vangelis Papathanasiou, qui fait partie d'un groupe de jazz, The Formings. Ils vont fonder en 67 avec le batteur Lucas Sideras et le guitariste Silver Koulouris, le groupe Les Aphrodite Child. Vous connaissez bien sûr ensuite sa carrière solo. Il est décédé le 25 janvier 2015. Demis Roussos, Quand je t'aime. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier. Je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, il est minuit ou midi, un enfer au paradis, n'importe où, mais ensemble. Gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, j'ai des fleurs au bout des doigts et le ciel que je te dois est un ciel sans étoile. Quand je t'aime, j'ai la fièvre dans le sang et ce plaisir innocent me fait peur, me fait mal. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à te lever. D'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez.

Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Alors Johnny, c'était notre coup de cœur des 9 et 16 décembre 2021. J'avais oublié de vous rappeler que Demis Roussos, ça s'était passé, c'était notre vedette, le 3 février 2022. Alors les suivants, quoi vous dire, qu'ils formaient un couple iconique, Stone et Chardin. Ils ont connu un immense succès dans les années 70 avec leur tube Made in Normandie, l'Aventura. Ils se sont rencontrés en boîte de nuit et se sont mariés très vite, seulement 5 mois après leur coup de foudre. Mais le succès n'aura pas survécu à leur divorce de 1974. Divorce à l'amiable quand même, qui met fin à leur collaboration sur scène, mais pas à leur relation. Les parents de Baptiste étaient toujours restés très proches. Ils étaient dans notre émission les invités de nos platines le 8 avril 2021. Qu'est-ce que ça devient le prix des allumettes? Allez, on va le savoir tout de suite. Je me demande où va ma vie. Souvent je pense, heureusement qu'il y a toi. Tu ne changes pas, tu as toujours la même tête. Toi, tu ne changes pas, tu es comme le prix des allumettes. Toi, peut-être élever bientôt des moutons. Souvent je pense, heureusement qu'il y a toi. Tu ne changes pas, tu as toujours la même tête. Toi, tu ne changes pas, tu es comme le fruit des allumettes. Petit taureau, comme on l'appelle affectueusement, avait deux passions, le jazz et Toulouse, sa ville natale. Du jazz à la java, l'auteur Nouga York était un artiste complet à la voix puissante, hérité de son papa qui était baryton. Pionnier de la world music, avec ses influences brésiliennes précoces, il reste éternellement un chanteur curieux et ouvert sur la création. Claude Nougaro, notre coup de cœur du 15 décembre 2022. Thank you. langue, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien de lui là-haut, les anges, zéro, je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, chante, chante, ça tient chaud, j'ai froid. Blanc de peau. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge. Du rouge, sans, sans, sans prévenir, faut qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes. Yeah. Un été tout en couleurs, sur Fadjet. Yohanan Zaraï, son premier mari et père de sa fille, décède le 31 décembre 2019. En septembre 2019, était sorti un coffret de 4 albums rassemblant 100 chansons sur les 600 qu'elle a interprétées durant sa carrière. Le 3 février 2020, 12 ans après son AVC, elle remonte sur scène pour la première fois. Elle chante en public l'un de ses plus grands succès, Prague, aux Folies Bergères à Paris, à l'occasion de la Nuit de la Déprime, où plusieurs artistes se sont produits au profit d'associations qui défendent des animaux. La chanteuse franco-israélienne Rika Zaraï est décédée le 23 décembre 2020 à l'âge de 82 ans. On la retrouve dans Michael. Notre coup de cœur du 14 janvier 2021. Attendu, alléluia, son navire est attendu.

suis venue pour vous dire ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Toute l'équipe de Fat Jet vous souhaite un très bel été. Tour à tour chanteur, humoriste et imitateur, parodiant aussi bien la classe politique que les gens du show business, Thierry Leluron a marqué le paysage audiovisuel des années 70 et 80. Et ben, une information, pourquoi Thierry Leluron est-il enterré à Perros-Guirec ? Et ben, tout simplement parce qu'il adorait cet endroit, notamment en Ploumanac, une région qu'il avait découverte enfant lors de vacances familiales. On le retrouve, on ne lui a jamais consacré de coup de cœur, mais il va nous expliquer que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Nous verrons un jour ou l'autre, si vous y tenez autant que moi. Prenons rendez-vous un jour, n'importe où. Je promets que j'y serai sans faute, à Noël comme à la Pentecôte, en Laponie comme à Tombouctou. Plus on est de fous, plus on rit de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, j'y tiens beaucoup. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Le monde est petit, profitons-en. Si notre chemin par le mien, ma roulotte croisera la vôtre. Le hasard souvent fait bien les choses, surtout quand on peut l'aider un peu. Une étoile passe et je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut. Bien les choses, surtout quand on peut l'aider un peu. Une étoile passe et je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut. C'est pas facile de dire au revoir, c'est pas facile du tout pour moi aujourd'hui. En tous les cas, bah écoutez, je vais laisser la parole, plutôt la chanson à Michel Sardou et puis à Sheila qui nous a accompagnés durant toutes ces bonnes émissions. Et puis je vous retrouve juste après. Maintenant, coupez tous les projets. Faites-moi une nuit étoilée. Juste un rayon sur mon piano et sur le public, un bleu voilé. Juste vous et moi pour finir, comme nous étions pour commencer, et une petite musique pour vous dire que le spectacle est terminé. Ça fait déjà longtemps qu'on se connaît. Même si c'est vrai, je ne vous parle jamais. Je ne sais pas faire le premier pas, mais vous savez déjà tout ça. Je ne suis pas l'homme de mes chansons, voilà.

plaît. Je suis venue te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis. À présent qu'a sonné l'heure des adieux à jamais. Non, je suis au regret de te dire que je m'en vais, car tu en as trop fait. Je suis venue te dire que je m'en vais, et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venue te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis. À présent, qu'a sonné l'heure des adieux à jamais. Non, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Je t'aimais. Je m'en vais. Alors comme l'a chanté Thierry Leluron, on se reverra un jour ou l'autre. Je tiens à vous remercier, vous les auditeurs, pour votre fidélité. Également Dominique qui m'a accompagné durant de nombreuses émissions. Et puis Daniel qui hélas nous a quittés, mais sans qui rien ne se serait passé. Également bien sûr toute l'équipe de Fadjet ainsi que la direction, notamment Yves, Fabienne, Jean-Luc qui ont toujours été disponibles durant ces 4 saisons. Je vous embrasse bien fort et surtout continuez à écouter Fadjet. Bonne rentrée à toutes et à tous. Bye bye.